Dormir d'un sommeil profond, c'est dormir sur ses deux oreilles, pas forcément sur ses deux hémisphères. Dans le règne animal, dormir, c'est s'exposer au danger. C'est pourquoi certains animaux, notamment les mammifères marins, dorment d'un seul hémisphère cérébral. Dans le modèle atomique de Niels Bohr, les électrons peuvent sauter entre différents niveaux d'énergie, aléatoirement et instantanément. Ce saut quantique vient d'être éclairé d'une nouvelle façon par une étude publiée récemment dans Nature. Et enfin, pour bien finir la semaine, nous ferons une plongée dans les mathématiques symboliques appliquées au deep learning, parce que c'est aussi ça la magie de Noël dans la méthode scientifique. Sommeil uni-hémisphérique, saut quantique et mathématiques symboliques, c'est le programme festif qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour dérouler ce programme, ils sont venus les bras chargés de cadeaux scientifiques. Ils rutilent comme des sapins de Noël. C'est la chouette équipe du vendredi. Bonjour Cécile Lestienne. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Directrice de la rédaction de Pour la Science, bonjour Sylvain Guilbeault. Bonjour à tous. Du magazine La Recherche. Et rebonjour Alain Nguyen Orang. Bonjour à tous. De la chaîne Science for All. Mais avant de vous retrouver tous les trois, on retrouve celle qui nous apporte chaque jour son plein de cadeaux d'actualité scientifique. Et en plus, elle est habillée en rouge. C'est Natacha Mertriou Noël. Bonjour non, Nicolas. Mère Noël Triou, pardon. C'est le journal des sciences en tout cas, bonjour. Et on commence ce journal avec une étude parue aujourd'hui dans la revue Nature Communications. On comprend mieux l'architecture des neurones. Et plus particulièrement la structure des axones. Un axone, c'est le prolongement du neurone qui transporte l'influx nerveux vers les synapses. Cette fibre nerveuse peut être extrêmement longue et l'organisation de son cytosquelette, le squelette à l'intérieur des cellules, restait un mystère pour les biologistes. Une équipe française a cherché à observer l'actine, un des deux grands composants du cytosquelette. Pour la première fois, ils ont combiné deux techniques d'observation, des techniques de microscopie optique et électronique. Ils sont ainsi parvenus à observer ces structures à l'échelle moléculaire avec une précision jamais atteinte. Christophe Leterrier est chercheur CNRS à l'Institut de neurophysiopathologie à Marseille. Il est le co-auteur de cette étude. En 2013, une étude a montré que cette actine, le long des axones, formait des structures complètement incroyables, qui étaient donc des anneaux, espacés très régulièrement le long de l'axone, un peu comme un tuyau d'aspirateur, quoi, des anneaux rigides liés entre eux. Et donc ça permet à l'axone d'être à la fois très résistant et très flexible, comme un tuyau d'aspirateur. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a associé la microscopie de super résolution qui arrivait à les voir de loin et une technique de microscopie électronique qui n'avait pas encore été utilisée pour regarder les axones, qui nous a permis de les voir avec encore plus de détails et vraiment de voir l'actine, de voir ses filaments à l'intérieur, le long de l'axone, et donc de savoir comment ils étaient composés. Et c'est là qu'on a eu la surprise de constater que ce n'était pas des petits morceaux d'actine, comme tout le monde le disait, c'était vraiment des longs brins d'actine tressés ensemble en anneaux, qui formaient des anneaux comme ça, le long de la membrane. Alors, c'est une découverte importante parce que cette structure régulière le long de l'axone a amené les gens à supposer que ça avait un rôle important pour la résistance mécanique des axones. Or, on ne comprenait pas trop comment, avec ce qu'on voyait et ce qu'on supposait, on pouvait avoir une organisation de ces anneaux qui aurait pu être à la fois flexible et résistante. Et le fait qu'on les voit formés comme ça, en quelque sorte d'une seule pièce avec des tresses d'actine, ça permet de beaucoup mieux comprendre la propriété mécanique qui permet après d'expliquer pourquoi les axones pourraient être à la fois flexibles et résistants. Donc ça, c'est fondamentalement une nouvelle pierre qui apporte à la compréhension du comportement des axones. Et puis je dirais après qu'il y a peut-être des perspectives un peu plus, je dirais, appliquées à des perspectives dans le cas de pathologie. Et notamment, c'est comme on sait que les axones sont parmi les premières structures du neurone qui dégénèrent en fait quand on a une maladie neurodégénérative, est-ce que ce ne serait pas cette structure d'anneaux d'actine qui apporte de la résistance qui serait impactée peut-être dans les premiers temps et qui ferait qu'ensuite l'axone dégénère? En bref, 30 ans plus tard, l'origine de la maladie de la vache folle a peut-être été découverte. Après 7 ans de recherche, une équipe française vient de publier ses résultats dans la revue PNS. La vache folle, l'encéphalopathie spongiforme bovine, fait partie des maladies à prions, des maladies neurodégénératives, la tremblante du mouton par exemple, ou chez l'humain, la maladie de Creutzfeldt-Jakob. L'équipe a injecté des prions de la tremblante du mouton à des souris transgéniques, génétiquement modifiées pour exprimer la protéine prion bovine. Résultat, les rongeurs ont développé la maladie de la vache folle, ce qui signifie que la maladie peut franchir la barrière des espèces. C'est la première fois qu'on vérifie ça par expérimentation. Pour les chercheurs, cela ne fait aucun doute. Pour éviter un renouveau d'épidémie, il faut maintenir l'interdiction des farines animales. En bref, toujours, on en sait plus sur le séisme du Teil. Et le 11 novembre 2019, un séisme de magnitude 5 a frappé l'Ardèche. En France métropolitaine, c'est très rare et ça l'est encore plus dans cette région. Le CNRS a donc regroupé un comité d'experts pour enquêter sur l'origine de ce tremblement de terre. L'extraction de roches dans les carrières voisines était suspectée. L'hypothèse n'est pas exclue, mais selon ce rapport, je le cite, il est peu probable que ce séisme du 11 novembre puisse être relié à l'effet d'un tir de carrière en particulier. Vu sa magnitude, il serait causé par la pression entre les plaques tectoniques. Et à partir du 15 janvier, paracétamol, ibuprofène et aspirine ne seront plus en libre service dans les pharmacies. Et ces dernières années, le nombre de complications liées à ces médicaments a augmenté, entre surdosage ou mauvaise utilisation. Le Doliprane, l'Efferalgan, le Nurofen ou l'Advil seront dorénavant de l'autre côté du comptoir. Alors pas besoin d'ordonnance, mais il faudra passer par les conseils du pharmacien avant l'achat. Les boîtes seront également accompagnées d'un message sur les risques pour le foie en cas de surdose. On continue avec le deuxième sujet de ce journal des sciences. Le lancement du télescope spatial Kéops a eu lieu mercredi. Kéops est un télescope de l'ESA et du Bureau spatial suisse. Il a pour mission d'analyser plus précisément les exoplanètes déjà détectées. En 24 ans, nous en avons découvert plus de 4000. Leur diversité est immense et certaines n'ont pas d'équivalent dans notre système solaire. Donc pendant 3 ans et demi, Kéops va cibler 400 étoiles. C'est un petit télescope, mais il est très précis car il va observer une étoile à la fois. Contrairement à des télescopes comme Kepler ou TESS qui visent des grandes régions du ciel. Ces observations vont permettre de mieux caractériser l'orbite, la masse et la densité des exoplanètes, mais aussi leur composition, si elles sont faites d'eau, de gaz ou de roche. Ce qui va être mesuré plus précisément, ce sont les transits planétaires. Magali Deleuil est enseignante-chercheure au laboratoire d'astrophysique de Marseille. Elle est membre de l'équipe scientifique de la mission. On va voir le transit chaque fois que la planète passe entre l'observateur et son étoile. En passant devant son étoile, la planète va masquer une partie de la lumière de l'étoile et donc on voit une baisse de la lumière de l'étoile. Et ensuite, une fois que la planète a fini de transiter devant son étoile, eh bien l'étoile retrouve son niveau de lumière. À partir du transit mesuré, la profondeur du transit est directement proportionnelle au rayon de la planète, sur le rayon de l'étoile, au carré en fait. Et donc, en mesurant la profondeur du transit, on mesure la taille de la planète. Le principe de Kéops, c'est de faire cette mesure du transit de planètes sur des planètes qui sont déjà connues ou des planètes pour lesquelles on peut faire des mesures de vitesse radiale, c'est-à-dire de leur masse, au sol avec les spectrographes. Alors les planètes déjà connues, ça veut dire qu'on a détecté par vitesse radiale la planète, on a pu en estimer sa masse, et donc Kéops apporte le complément, c'est-à-dire la mesure du rayon. Et c'est la combinaison de la masse et du rayon de la planète qui permettent d'en tirer une estimation de la densité, et plus cette mesure est précise, mieux on peut déterminer la composition de la planète. Donc en fait, on va avoir une combinaison de mesures hyper précises de la masse et du rayon de la planète. Et ça, c'est ce qu'on n'a pas réussi à faire avec Kepler. Ça assure un accès à des données absolument originales, de toute première qualité, à nos jeunes générations d'astronomes. En bref, une équipe internationale a découvert le canyon terrestre le plus profond au monde. Il s'agit d'un canyon souterrain rempli de glace qui se trouve sous le glacier d'Edman en Antarctique. Il descend sous le niveau de la mer jusqu'à 3,5 km. Un nouveau record, c'est plus profond que le canyon de Colca au Pérou. Des glaciologues ont réalisé la cartographie la plus précise à ce jour des reliefs de l'Antarctique cachés sous la calotte glaciaire. Leurs résultats viennent de paraître dans la revue Nature Géosciences. Et donc pour mettre à jour ces paysages dissimulés, ils ont combiné des données radar, des mesures sismiques et des observations satellitaires sur l'épaisseur de la glace et sur ses mouvements. Cette carte permet aussi d'identifier les régions les plus sensibles face à la hausse des températures. Selon une étude parue dans Science, la taille des animaux dépend du style d'alimentation et de la disponibilité des proies. Pourquoi les baleines bleues sont-elles gigantesques? Et pourquoi d'autres baleines sont juste très grandes? Une équipe internationale a attaché des capteurs à plus de 100 cétacés et les ont suivis pendant 10 ans. Ils ont mesuré la quantité de calories absorbés par repas et par plongée, et ils ont ensuite estimé la quantité d'énergie dépensée par les baleines. Les chercheurs ont découvert que, pour les baleines à dents, les plus petites, qui se nourrissent de grandes proies, être grosses les aide à plonger plus profondément pour chasser des proies plus caloriques. En revanche, pour les baleines à fanons, les baleines à filtre, comme la baleine bleue qui se nourrissent de plancton, pour elles, l'alimentation par filtre n'est efficace qu'avec la taille de leur bouche, ce qui expliquerait leur évolution vers des tailles corporelles extrêmes. Et on continue de faire le tour de l'actualité scientifique de la semaine, en ultra bref cette fois, Natacha. Boeing a lancé aujourd'hui sa capsule spatiale Starliner. Elle est en route pour la Station Spatiale Internationale. C'est un premier vol test pour déterminer si Starliner peut devenir le prochain vaisseau taxi pour l'ISS. Mais la mission rencontre des difficultés. La NASA vient d'interrompre la transmission en direct. En 2020, la Chine devrait tester son réacteur de fusion nucléaire, le HL2M Tokamak. Un soleil artificiel capable de générer 13 fois la température interne du soleil. La fusion nucléaire représente de grands espoirs car elle pourrait fournir une source quasi illimitée d'énergie propre. Et enfin, selon une étude, nous avons gravement sous-estimé la menace des zones mortes dans nos océans. Les zones mortes, ce sont ces zones aquatiques où il n'y a plus d'oxygène et où la vie est impossible. Leur nombre augmente plus rapidement que prévu. Un grand nombre de facteurs qui contribuent à leur développement ont été ignorés. Et comme chaque vendredi, on termine avec notre rubrique de science improbable. Aujourd'hui, le New York Times nous rapporte un cas rare de greffe de testicule. C'est la troisième opération de ce genre. Cela concerne un jeune homme de 36 ans né sans testicule. L'opération a eu lieu à Belgrade, en Serbie. Elle a duré 6 heures et le jeune homme s'est fait transplanter un testicule de son frère jumeau. La greffe est un succès, les risques de rejet sont donc faibles. Le patient va aussi pouvoir avoir des enfants et, étant donné que leur ADN est pratiquement identique, il pourra aussi transmettre son patrimoine génétique. Merci beaucoup, Natacha. Écoutez, un peu de magie de Noël aussi dans les cycles de procréation entre frères jumeaux. C'est mieux que d'autres options. Bon, on vous retrouvera lundi. C'est pas sûr de celle-là, tout à fait. On vous retrouvera lundi pour le prochain journal des sciences. Petit tour de table autour de la classe à Sylvain Guilbeault, vient de comprendre. Donc, en dehors de ces problèmes de procréation entre jumeaux, peut-être Sylvain, un mot sur Kéops d'abord. Oui, Kéops, donc ce satellite de l'Agence spatiale européenne et du Bureau spatial suisse. Non, c'est une jolie étape supplémentaire dans la quête, dans l'étude de ces exoplanètes, ces planètes au-delà du système solaire. Mais c'est vrai que ça fait écho à l'actualité assez récente. On avait parlé avec vous, Nicolas, dans l'émission du prix Nobel attribué à Michel Mayor et Didier Queloz, ces astronomes suisses qui ont, en 1995, découvert la première exoplanète. Et c'est vrai qu'à l'époque, c'était vraiment une première. Ça donnait naissance à un nouveau domaine qui aujourd'hui en plein essor. Natacha a mentionné dans son journal qu'il y avait le satellite Kepler qui, dans les années 2000, a découvert plusieurs milliers de ces exoplanètes. Et aujourd'hui, après cette phase de première découverte, on rentre dans la phase de caractérisation, c'est-à-dire avec des satellites dont Kéops fait partie, dont TESS aussi de la NASA fait partie. Donc il s'agit de mesurer plus précisément certaines caractéristiques de ces planètes, et notamment ce que Kéops va essayer de se concentrer sur des planètes qu'on ne trouve pas en fait dans le système solaire, des planètes dont la masse se situe entre celle de la Terre et celle de Neptune, des planètes qu'on appelle du coup des super-Terres ou des mini-Neptunes, absolument. Et encore une fois, ce n'est qu'une étape dans cette étude des exoplanètes, puisque ce qui fait beaucoup débat, c'est trouvera-t-on un jour une planète similaire à la Terre, bien sûr. Alors voilà, du coup, Kéops, c'est pas tout à fait fait pour trouver des planètes de la taille de la Terre. Il faudra attendre un peu des missions comme celle qui est en préparation pour l'ESA, qui s'appelle Plateau, qui devrait être lancée encore dans quelques années. Là où on essaiera vraiment de trouver des petites planètes qui sont de la taille de la Terre, donc plus difficiles à trouver. Et surtout essayer ensuite de caractériser les atmosphères. Donc Kéops va commencer à faire un premier pas. Et ça sera surtout des grands télescopes dans l'espace avec le James Webb. Bien sûr, dont on attend le lancement normalement l'année prochaine. Voilà, en croisant les doigts. En croisant les doigts, parce que ça ne cesse d'être reporté. Voilà, donc c'est vraiment un domaine en pleine effervescence. On attend beaucoup de résultats. On peut dire en quelques mots pour résumer qu'effectivement après le quantitatif, c'est-à-dire après trouver des exoplanètes par dizaines et par dizaines, on commence à s'orienter vers le qualitatif et essayer d'avoir le plus d'informations sur ces exoplanètes qu'on a déjà réussi à identifier. Et essayer de décrire ces mondes. Bon, il y a eu déjà des études qui tentaient de de savoir comment ça se passait. Mais quand on dispose, par exemple, juste de la masse d'une planète, c'est très difficile ensuite d'extrapoler. Là, comme on l'entendait dans le reportage, on va chercher des planètes, des exoplanètes dont on sait qu'elles existent, on connaît leur masse, on va essayer de mesurer leur taille pour avoir leur densité. Ça permet déjà de faire des modèles plus précis de comment est cette planète. D'autres réactions à l'actualité scientifique large de cette semaine, puisque nous n'avons pas pu la parcourir assez, du fait du mouvement social. Il y a d'autres choses que vous avez vues, ou dans le Journal des Sciences, ou d'autres choses que vous souhaitiez commenter, Cécile? Juste pour réagir sur, effectivement, la mise derrière le comptoir de ces médicaments comme l'aspirine, de l'iprane, Advil, etc., parce que on arrive beaucoup, beaucoup plus vite qu'on ne le croit généralement à la surdose. Et je pense que c'est effectivement une bonne idée que les pharmaciens aient une petite vue là-dessus et puissent prévenir les gens qu'il faut faire attention. Je ne vais pas donner les surdoses létales parce que ça pourrait donner de mauvaises idées à certains, mais on y arrive vite, donc il vaut mieux éviter. Là, une réaction à l'actualité de la semaine? Je vais peut-être réagir à l'histoire du séisme, même si je ne connais rien à la géologie. C'est un phénomène assez difficile à étudier parce que c'est des événements rares, et en particulier les événements vraiment puissants sont d'autant plus rares. Et il y a beaucoup de modèles aujourd'hui pour essayer d'expliquer, d'essayer d'anticiper quels sont les comportements des cas les plus extrêmes. Et c'est super important parce qu'on veut se prévenir de ces cas extrêmes, mais c'est aussi une recherche très très difficile qui utilise des outils statistiques. Et encore débat aujourd'hui pour savoir quelle est ce qu'on appelle la queue distribution, à quel point les cas vraiment extrêmes sont vraiment rares. Peut-être aussi un mot pour conclure ce tour de table, Sylvain, sur Starliner. Donc, on en attend beaucoup, parce que c'est redonner aux États-Unis l'autonomie pour le ravitaillement de la station spatiale, et puis plus tard pour d'autres missions, évidemment, puisqu'il faut rappeler que pour le moment, la seule capsule habitée, c'est Soyuz. Oui. Ça commençait bien, mais là, on attend évidemment d'avoir plus d'informations. Oui, ça s'est pas passé aussi bien que prévu. Oui, alors sûrement, peut-être les auditeurs sur Twitter ont peut-être plus d'informations que moi à l'heure actuelle, puisque effectivement, les communications ont été coupées un peu après le lancement de Starliner. Or, si j'ai bien compris, la NASA a quand même recommuniqué par la suite. Le message de la NASA, c'est de Boeing Space d'ailleurs. Starliner a une insertion orbitale non nominale, mais le vaisseau est sous contrôle. L'équipe de navigation et de contrôle réfléchit à la prochaine manœuvre. D'accord. Elle serait insérée sur un mauvais orbite en quelque sorte. Du coup, ça voudrait dire que le satellite est quand même en orbite, il n'est pas perdu, mais du coup, il n'est pas à la bonne altitude, à la bonne distance. Et du coup, l'objectif, c'est quand même d'être à la même altitude que l'ISS pour ensuite faire une rencontre et s'amarrer à la station spatiale. Qui était prévu demain, normalement. Voilà, donc, alors, on va voir comment évoluent les choses, ça a l'air un peu compromis, mais bon, en tout cas, c'est sûr que pour les Américains, c'est important depuis 2011 et l'arrêt de la navette, qui était leur moyen d'accès à la station spatiale internationale. C'est vrai qu'ils devaient compter sur les capsules russes Soyuz. Donc il y a Boeing qui développe Starliner, il y a aussi SpaceX qui développe sa propre capsule. Les deux programmes ont un peu de retard, mais il y avait l'espoir que l'année prochaine, ou dans 2 ans peut-être, les premiers astronomes américains puissent repartir avec ces véhicules. Bon, on va suivre ça et on vous tient au courant évidemment de tout ça dès lundi dans le prochain Journal des Sciences. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Il n'y a pas de raison que vous n'ayez pas, vous aussi, vos petits cadeaux de fin d'année, des dauphins de Noël. Pourquoi pas des dauphins de Noël, après tout? Eh bien, parce que, pourquoi ces dauphins? Parce que ce sont avec les dauphins qu'ont démarré les études sur le sommeil unihémisphérique, à savoir ce sommeil d'une seule moitié du cerveau chez plusieurs animaux, à la fois pour maintenir une activité en nage ou en vol, mais aussi pour se défendre et se prémunir d'éventuels prédateurs, Cécile. Oui, dans le dernier numéro de Pour la Science, là, nous avons un article du professeur Gian Gastone Maschetti, qui est professeur à l'université de Padoue et qui fait le tour un petit peu toutes les études qu'il y a eu sur ce sujet-là. Vous savez qu'en fait, on ne sait pas exactement pourquoi on dort. On sait effectivement que si on ne dort pas, on a des problèmes parce qu'on a besoin de dormir pour les processus de mémorisation, pour l'apprentissage, pour garder un bon système immunitaire. Et ça sert aussi, le cerveau pendant le sommeil aussi se détoxifie, mais on ne sait pas quand même exactement pourquoi on dort des deux hémisphères. Donc c'était effectivement intéressant de regarder de l'autre côté parce que effectivement dormir pose un problème dans le monde animal et pour les humains aussi autrefois, c'est que du coup, effectivement, on se coupe de ses sens, on se coupe de ses capacités motrices, et donc on est la proie plus facile des prédateurs. Donc pourquoi dort-on? Comment l'évolution a pu conserver l'idée? C'est pas tellement l'idée de sommeil, c'est l'idée d'un sommeil total. Exactement. Qui coupe effectivement totalement, voilà, la perception sorcellaire, la perception environnementale. Et une des réponses pour certains animaux, c'est effectivement de dormir que d'un seul hémisphère. Alors, le premier qui s'en est vraiment aperçu, semble-t-il, c'est le professeur John Lilly, un Américain, qui dans les années 1964 s'est aperçu qu'effectivement le dauphin ne dormait que d'un seul hémisphère parce qu'il a vu qu'il gardait toujours un œil ouvert. Donc, ce qui permet effectivement au dauphin de rester toujours à moitié à vie. Après, d'autres études après, d'équipes russes, américaines et même sud-africaines, hein, ont montré que le dauphin, enfin le grand dauphin, semble-t-il, autant qu'on peut le savoir, parce que comme l'expliquait Natacha tout à l'heure, c'est pas si facile que ça quand même d'étudier les cétacés dans leur état naturel, même si on arrive aujourd'hui à implanter des petits capteurs et à voir des choses, mais quand même, il semble donc que le dauphin ne dort jamais que d'un seul hémisphère, jamais des deux hémisphères en même temps, et n'a pas non plus de sommeil paradoxal. Mais ça permet probablement à ce type d'animaux que sont les cétacés, qui sont, comme vous le savez, des mammifères qui sont retournés à l'eau, mais qui ont donc des poumons, donc qui ont besoin de respirer dans l'air, voilà, et qui ont le sang chaud, donc ils doivent aussi faire attention à la thermorégulation, voilà, de continuer à bouger, à nager, à remonter pour respirer, et voilà, et à suivre leur congénère. Et du coup, comment est-ce qu'on, effectivement, depuis ces études sur le sommeil unihémisphérique de 64 que vous mentionniez, Cécile, on s'est rendu compte qu'il n'y a pas évidemment que les mammifères marins, mais il y a vraiment tout un tas d'animaux qui sont dans des états de sommeil finalement très très différents que ceux que l'on peut connaître et ceux que l'on pratique nous-mêmes en tant que mammifères évolués. Oui. Alors, à part les cétacés qui vivent complètement dans l'eau, il y a eu quelques études aussi sur d'autres mammifères marins qui sont à moitié dans l'eau, à moitié, voilà, comme les phoques et les éléphants de mer. Alors, chez eux, pour l'instant, en tout cas, on n'a rien découvert de cet ordre-là. Mais chez les otaries, oui. Chez les otaries, j'aime beaucoup quand elles veulent dormir dans l'eau. Elles nagent un peu à l'indienne, avec une nachoire dans l'eau, les trois autres à l'extérieur pour bouger. Elles dorment effectivement que d'un hémisphère pour pouvoir surveiller les prédateurs. Il semblerait qu'il y ait des choses chez les reptiles, mais ce qu'on a surtout étudié d'autres, ce sont les oiseaux. Voilà. Et il y a des choses absolument impressionnantes chez les oiseaux, notamment chez les frégates du Pacifique, voilà, Fregata minor, de son petit nom latin, qui est un oiseau avec des ailes qui ont une très très grande envergure, ce qui leur donne une portance très importante. Donc il peut faire des vols planés très très très longs, il vole pendant des jours et des jours et des jours, et il peut pas se poser dans l'eau, en fait. Enfin, il peut se poser dans l'eau, mais il pourrait pas redécoller parce que il est pas fait pour ça, si on peut dire. Il a pas le pied marin, ce pauvre oiseau, et notamment il a pas la patte marine parce qu'elles sont pas bien palmées. Et il n'a pas cette glande qui permet de rendre les plumes hydrophobes et donc de ne pas se mouiller, de pouvoir redécoller sans être trempé. Et donc, alors lui, justement, on l'a beaucoup étudié, notamment un chercheur qui s'appelle Niels Rattenborg, qui est aujourd'hui en Allemagne au Max Planck, me semble-t-il, voilà, qui a effectivement, sur plusieurs individus, posé des petits capteurs sur la tête, plus un accéléromètre pour mesurer les mouvements de la tête et un GPS, voilà. Et on s'est aperçu que ces oiseaux, effectivement, dormaient par à-coups, surtout dans les vols ascendants. Et ils dorment par poignées de secondes, en fait. Le maximum qu'ils ont enregistré, c'est 6 minutes. Et en tout, ils doivent dormir probablement moins d'une heure par jour, enfin par journée. Donc, c'est vraiment très peu. Mais alors que quand ils sont à terre, ils dorment la moitié de la journée. Hein. Ouais. Donc, ça fait rêver. Est-ce qu'on pourrait arriver jusque-là? C'est comme les marins qui font du sommeil fractionné. Absolument. On a peut-être à apprendre beaucoup de ce côté-là. Oui, il faut faire attention au sommeil fractionné. Ne faites pas ça chez vous, parce que ça peut finir par des crises d'insomnie un peu assez dévastatrices. Donc, est-ce qu'on sait, en fait, Cécile, parce que c'est vrai que nous, on connaît, et puis on a parlé à ce micro de la structure du sommeil, des rythmes circadiens chez l'être humain, mais quand on parle de sommeil, en fait, est-ce qu'on parle exactement du même état? Est-ce qu'on sait ce qui se passe dans le cerveau de ces animaux qui dorment différemment? Ce qu'on mesure, effectivement, comme ce qu'on mesure chez l'homme, c'est les ondes cérébrales, et donc on voit bien qu'ils sont dans un sommeil lent. Voilà, et la plupart de ces animaux sont pas si faciles, comme je l'expliquais tout à l'heure, à étudier. Donc on ne sait pas très bien. Ce qu'on voit juste là, c'est cette capacité de dormir d'un seul hémisphère et de passer rapidement, souvent d'un hémisphère à l'autre. C'est ça qui semble être une des capacités qui leur permet de survivre. C'est intéressant pour Lay qui est juste là, parce qu'il y a des scientifiques de l'université de Sydney qui ont élaboré un modèle mathématique de sommet demi-hémisphérique. Il va falloir plancher là-dessus pour nous expliquer exactement comment fonctionnent ces modèles mathématiques et à quoi ils servent en fait exactement, Cécile, ces modèles. Eh bien, ces modèles ont donné des pistes aux chercheurs pour essayer de voir qu'est-ce qui se passait effectivement dans les cerveaux, notamment là c'était le cerveau des dauphins. Il y a un très joli petit schéma qui va vous expliquer tout ça dans Pour la science. Et effectivement, qu'on a posté sur le fil Twitter de l'émission, hein, avec la méthode. Donc c'est parfait, voilà. Et effectivement, qui montre qu'il y a une coordination vraiment très minutieuse entre les deux hémisphères. Voilà, il y a des substances inhibitrices qui passent d'un hémisphère à l'autre et qui permettent à un hémisphère de dormir pendant que l'autre est en éveil et inversement. Et il semble, avec les nouvelles études, que ça soit effectivement la réalité. Et c'est venu de ce modèle proposé par ces chercheurs de l'Université de Sydney. Alors vous disiez des oiseaux, mais on vous avait parlé de la frégate, il y a aussi le merle noir, des pigeons, oui. Certains canards, en fait ça a l'air d'être assez répandu en fait. Oui, autant qu'on le sache, il faudrait faire des études sur tous les animaux. Chez les canards, notamment chez les colverts, il semblerait qu'ils se mettent souvent, vous savez, en cercle, enfin, en groupe. Mmh. Voilà, ce sont les canards qui sont au bord du groupe, qui eux dorment vraiment d'un seul hémisphère, on le voit, parce qu'ils gardent un œil ouvert sur les prédateurs éventuels à l'extérieur, et plus ils sont au centre, mieux ils dorment. Et alors, comment est-ce que ces études sur ce sommeil unihémisphérique peuvent nous renseigner sur nos propres mécanismes de vigilance? Parce que on a des phases de sommeil très profondes où on est très déconnecté, mais on est aussi, malgré tout, sensible à l'environnement extérieur. Quand il se passe quelque chose, on peut être réveillé en sursaut, donc on n'est tout de même pas complètement coupé du monde. Pas complètement. Et d'ailleurs, il y a une étude qui est assez récente, qui date de 2016 de l'Université Brown aux États-Unis, qui montre l'effet de la première nuit. Voilà, quand on enregistre des dormeurs qui dorment justement dans un endroit où ils n'ont pas l'habitude de dormir normalement, évidemment. Voilà. Et ils ont vu que l'hémisphère droit dormait profondément et l'hémisphère gauche dormait légèrement. Il reste beaucoup plus sensible à tous les stimuli extérieurs et se réveille d'autant plus vite. Ça ressemble un petit peu peut-être au cerveau de certaines mamans qui se lèvent facilement dès que le bébé couine. Oui, et puis ça dépend aussi de la qualité du sommeil. Il y a des gens qui ont des sommeils finalement très profonds, des gens qui ont des sommeils au contraire très légers. Sylvain Guilbeault, par exemple, le moindre bruit dans la cage d'escalier, il est debout tout de suite. Absolument. Oui. Un mot, Sylvain, laisse sur ces études autour du sommeil, peut-être, Sylvain? Moi, ça me fascine, puisque c'est un domaine que je connais pas du tout. Là, on parle, c'est vrai, de grands animaux. Je me demandais si on savait quelque chose du sommeil des insectes, par exemple, ou des bactéries. Est-ce que les araignées, est-ce que les microbes, est-ce que les bactéries dorment? La joker. Si vous voulez, je vous raconte ça à la prochaine émission. I saw my big kids in Santa Claus. et Summum Kissing Santa Claus des Ronettes sur France Culture à 16h30. C'est une méthode scientifique spéciale Noël totalement assumée. Vous avez eu les dauphins de Noël tout à l'heure, la chanson de Noël, et ça n'est pas terminé. On vient d'apprendre, c'est intéressant peut-être de dire un mot là-dessus, puisque ça vient de tomber, Sylvain, hein, que la nouvelle capsule spatiale dont nous parlions tout à l'heure, Starliner, donc va revenir sur Terre dans 48 heures, n'accomplira donc pas son objectif de rallier la station spatiale internationale comme prévu. Elle devait la relier avec de l'équipement à son bord demain. C'est qualifié d'échec majeur pour Boeing et la NASA. Qu'est-ce qu'il faut en penser, Sylvain ? Il est pour ma part trop tôt pour en tirer des conclusions. C'est vrai que du coup le fait que le vaisseau n'ait pas été mis sur la bonne orbite, visiblement c'était quelque chose d'irrécupérable, donc ils ont préféré récupérer le vaisseau. Je sais pas d'ailleurs comment est-ce qu'ils réussiront à le récupérer, je ne sais pas. Il est un peu tôt pour savoir quelle est la cause de l'incident. Je pense que les ingénieurs vont avoir pas mal de boulot pour essayer de réparer ça. Oui, mais c'est en tout cas évidemment bien un obstacle, hein, pour cette autonomie de ravitaillement et pour la suite du programme spatial américain qui comptait beaucoup sur ces deux navettes habitées, celle de Boeing au premier chef, mais celle de SpaceX dans un deuxième temps, qui elle, pour le moment, va plutôt dans le bon sens. SpaceX, c'est oui. Les premiers lancements ont fonctionné. Bien sûr. C'est vrai qu'on parlait. C'est vrai qu'il y a l'année dernière, on parlait pour cette année de premier essai avec des astronautes pour ces. Bon, là, on c'est clair que ça repousse. D'au moins un an, voire deux, cette échéance. Alors, on va passer avec vous, Sylvain, au deuxième sujet de cette table ronde consacrée à l'actualité des sciences et de la recherche, puisque la magie de Noël, hein, on vous l'a dit tout à l'heure, c'est aussi les sauts quantiques. Alors, on se disait que les sauts quantiques, ça peut être effectivement pratique en période de grève des transports. Ça n'est pas du tout l'objet de votre chronique aujourd'hui. Non, malheureusement. Votre cadeau, Sylvain, aujourd'hui, c'est que, depuis leur formalisation par Niels Bohr en 1913, jusqu'à une étude récente qui a été publiée dans la revue Nature, cette étude apporte un nouvel éclairage sur ce phénomène de saut quantique, un siècle de saut quantique que vous allez nous expliquer à aucun moment, et ce sera votre défi, essayer d'imiter le Père Noël, Sylvain. S'il vous plaît. Oui, c'est vrai que justement à l'occasion de notre numéro de Noël, on peut dire qu'il est en kiosque maintenant, on revient sur les grands résultats qu'on a sélectionnés au magazine La Recherche, qui ont selon nous marqué cette année. C'est vrai que j'aime beaucoup ce résultat en particulier. Alors, je le dis tout de suite, c'est pas un résultat qui révolutionne quoi que ce soit. Le résultat trouvé est en accord avec ce que les scientifiques savent de la mécanique quantique. Simplement, ça c'est une très belle expérience, c'est un tour de force expérimental. Et en plus, à la fois, il y a ce côté expérimental, et il y a ce côté que ça reprend une question, c'est vrai, qui est une histoire qui remonte au début de la physique quantique, et qui est d'étudier ces sauts quantiques, c'est-à-dire comment les électrons qui orbitent dans un atome peuvent changer d'état, a priori, brusquement et instantanément. Alors, il faut revenir au début. Racontez-nous déjà un peu ce que postule Niels Bohr en 1913, quand justement il formalise cette idée de saut quantique. De quoi il parle ? C'est vrai, à l'époque, au milieu des années 1910, donc on vient tout juste de découvrir, on vient tout juste à peu près d'être sûr que les atomes déjà existent, qu'ils sont constitués d'un noyau et d'électrons qui orbitent autour. Et une parmi les multiples questions qu'on se pose dessus, c'est par exemple, prenez un atome comme l'hydrogène, on le sait que cet atome absorbe et émet de la lumière à des longueurs d'onde, à des couleurs, pour le dire rapidement, bien spécifiques. Pourquoi ces couleurs et pourquoi pas d'autres ? Finalement, Niels Bohr crée un modèle atomique dans lequel les électrons, en fait, ont des niveaux d'énergie bien séparés et bien fixés. Un peu, si vous voulez, comme les barreaux d'une échelle. Un peu, les barreaux d'une échelle représentent les différents niveaux d'énergie et les électrons peuvent se situer sur différents de ces barreaux. À ceci près que les barreaux ne seraient pas à des distances égales. Voilà, tout à fait. Et du coup, la distance entre deux barreaux, quand un électron saute d'un barreau à un autre, il faut qu'il absorbe ou qu'il émette l'énergie proportionnelle à la distance entre ces barreaux et qui correspond donc à des couleurs, à des lumières différentes. Et du fait que chaque élément chimique ait des distances entre des barreaux différentes qui varient d'un élément à un autre, ça explique pourquoi tel et tel élément ont des longueurs d'onde d'absorption et d'émission qui ne sont pas les mêmes. Donc c'est vraiment les bases de la physique quantique. D'ailleurs, le fait que des éléments aient comme ça des niveaux d'énergie bien fixés et séparés les uns des autres, c'est l'origine du mot quantique. En fait, quantifier, c'est ce phénomène-là que ça désigne. Et c'est un grand succès de la physique quantique de réussir à décrire finalement pourquoi tel ou tel atome émet telle ou telle lumière. Et ce qui est important dans cette formalisation, dans ce modèle des sauts quantiques établi par Niels Bohr, ce qu'il faut préciser, c'est que ces sauts sont totalement aléatoires et instantanés, oui. C'est-à-dire discrets. C'est ça. Imaginez, pour passer d'un niveau d'énergie à un autre, un atome, lorsqu'on lui envoie une petite pichenette d'énergie, finalement, c'est comme si un électron absorbait un photon de lumière, et donc grâce à cette énergie, pouvait sauter d'un niveau fondamental, c'est-à-dire le plus bas niveau de l'échelle, à un niveau plus élevé. Et on sait que ce que Niels Bohr et Einstein et d'autres montrent à cette époque-là, c'est que au bout d'un certain temps, cet électron qui se trouve sur un barreau élevé de l'échelle va spontanément redescendre, ressauter vers le niveau fondamental. Ces sauts sont par nature aléatoires et instantanés selon Niels Bohr. Alors bien sûr, en moyenne, on peut connaître le temps moyen qu'un électron va passer sur un des barreaux de l'échelle. Mais encore une fois, c'est une moyenne qu'on peut faire sur de grands ensembles, et on peut calculer, grâce à la physique quantique, très précisément ces temps de vie, et qui varient d'un niveau à l'autre. Il y a des niveaux sur lesquels les électrons peuvent rester seulement une microseconde, donc c'est très rapide, avant de descendre en émettant un photon. D'autres niveaux sur lesquels ils peuvent rester plus longtemps, par exemple 100 fois plus longtemps. Mais tout ça dépend de la nature de l'atome, des niveaux, et ça, la physique quantique le décrit encore très très bien, et c'est vraiment un de ses très grands succès. Le problème un peu philosophique et théorique que ça pose à d'autres scientifiques de l'époque, notamment Erwin Schrödinger, un des autres fondateurs de la physique quantique, c'est que effectivement dans ce modèle, les électrons sautent de manière instantanée et aléatoire. Or, les phénomènes physiques que l'on connaît sont tous progressifs, graduels, ils prennent du temps. Et même des phénomènes expliqués par la physique quantique. Vous savez, l'équation de Schrödinger, donc du nom de ce savant, qui décrit effectivement l'évolution d'un système physique quantique, c'est une évolution graduelle. Il n'y a d'où surgit l'aléatoire. C'est vraiment une des questions philosophiques, d'ailleurs, qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Et alors, il y a peut-être aussi autre chose qu'il faut préciser pour arriver aux travaux plus récents qui ont été publiés dans la revue Nature et que vous traitez dans le magazine La Recherche, c'est peut-être de distinguer dans cet état fondamental d'excitation des atomes, l'état brillant et l'état sombre. Oui, c'est effectivement ce qui a été fait, puisqu'en fait, ces sauts quantiques existent. Ils ont été observés dans les années 1980 pour la première fois. 1986, il y a trois équipes indépendantes qui en fait ont réussi à... En fait, pourquoi ça a pris autant de temps entre les années 1910 et les années 1980? C'est que, entre les deux, on savait manipuler les atomes, la matière, mais seulement sur des grands ensembles. On savait manipuler des grands ensembles atomiques, de matière, et donc à ces échelles-là, on faisait des moyennes statistiques, comme je vous le disais, on pouvait savoir les temps de vie moyens des atomes, et ça suffisait, on n'avait pas besoin de se poser de problèmes philosophiques pour manipuler ces objets. À partir des années 80, c'est ce que les physiciens appellent la seconde révolution quantique, on arrive à manipuler des systèmes individuels, des atomes individuels, des photons individuels, et en l'occurrence là des ions individuels, c'est-à-dire des atomes qui possèdent des électrons en plus ou en moins, et donc qu'on arrive à piéger grâce à des champs électromagnétiques. Dans les années 80, les chercheurs arrivent à piéger un seul ion, et donc à lui faire absorber et émettre un seul photon à la fois. Et donc, pour étudier ces sauts, plutôt que d'étudier les sauts, en fait, pour eux, c'est plus facile d'étudier trois niveaux, trois barreaux d'une échelle plutôt que deux. En fait, ce qu'ils utilisent, donc ils utilisent le niveau fondamental, le plus bas niveau de l'échelle. Le premier niveau d'énergie. Et en envoyant, comme je disais, continuant des petites pichenettes d'énergie à l'atome, ils peuvent faire osciller cet atome entre ce plus bas niveau d'énergie et ce niveau... premier niveau d'énergie. Et donc, l'atome émet des photons régulièrement, à intervalles très réguliers. Et ce qu'on appelle, ça émet plein de photons, c'est pour ça qu'on parle d'état brillant, et que les chercheurs détectent grâce à des détecteurs de photons. Donc imaginez un détecteur de photons détecte, clic, clic, clic, clic, clic, j'imite assez mal un détecteur de photons, vous voyez l'idée. En même temps, c'est tout de suite, c'est très parlant. Voilà, moi, clic, clic, clic, clic, clic. Donc en fait, c'est une série aléatoire de clics, de photons détectés, qui sont émis lorsque l'atome retombe de son état excité vers l'état fondamental. Donc clic, clic, clic, clic, en moyenne toutes les microsecondes, mais comme c'est aléatoire, la distribution n'est pas complètement régulière. Et de temps en temps, ce qu'observaient les chercheurs, c'est que l'atome pouvait sauter sur le deuxième niveau de l'échelle. Et ce niveau a la particularité d'être sombre, c'est-à-dire que, comme je vous le disais tout à l'heure, l'électron peut rester beaucoup plus longtemps, 100 fois plus longtemps, sur ce niveau que sur le premier niveau excité. Et donc sombre parce qu'il n'émet plus de photons. Et du coup, voilà, les chercheurs observaient clic, clic, clic, clic, clic, voilà, l'atome oscillait entre les deux premiers niveaux d'énergie, émettait plein de photons, et tout à coup, le détecteur est muet. La seule solution, c'est que l'atome a sauté vers ce deuxième niveau d'énergie. Et ensuite, au bout d'une centaine de microsecondes environ, clic, clic, clic, clic, clic, le détecteur se remet à cliquer, les photons retombent de nouveau, l'atome est retombé dans son niveau fondamental. Et vous n'avez effectivement pas du tout imité le Père Noël, mais vous imitez effectivement très très bien le détecteur de photons, ce qui est tout à fait dans le cahier des charges, donc jusque-là tout va bien. Arrivons à cette étude publiée dans Nature au mois de juin. Qu'est-ce qu'elle apporte de plus justement dans cette connaissance et dans la compréhension du saut quantique, Sylvain ? Eh bien, en fait, ce qu'ils essayent de faire, c'est vraiment de zoomer sur cet instant où le détecteur de photons devient silencieux. Il y a un dernier clic et puis plus rien pendant un certain temps. Que se passe-t-il au niveau de ce fameux dernier clic? Exactement. C'était pas possible à faire dans les années 1180 parce que pouvoir étudier vraiment précisément cet instant-là, ça voulait dire pouvoir détecter absolument tous les photons émis par les atomes. Ce qui était impossible avec les techniques de l'époque et même ce qui est aujourd'hui encore impossible avec des atomes, on va dire, naturels tels qu'on les connaît et des détecteurs de photons classiques. En fait, il a fallu attendre le développement aujourd'hui, ce que les chercheurs utilisent les chercheurs de l'université de Yale dans cette étude de Nature. En fait, n'utilisent pas des atomes tels qu'on les imagine. En fait, ils utilisent des sortes d'atomes artificiels qui sont constitués de mini-circuits électriques supraconducteurs qui sont refroidis à très grande température et qui donc à ces échelles-là deviennent en fait quantiques et donc ont aussi une structure de niveau d'énergie et donc ils peuvent aussi échanger des photons avec la même des barreaux d'échelle. Cette fois, l'avantage, c'est qu'on peut vraiment designer ces barreaux d'échelle avec les longueurs d'onde que l'on veut, en l'occurrence du micro-ondes, et ça permet de, en fait, on a des détecteurs beaucoup plus précis à ces longueurs d'onde-là, ça permet vraiment de collecter tous les photons possibles, donc de beaucoup mieux maîtriser ce système, et donc de repérer vraiment tous les photons émis par l'atome. Et ce qui est très finalement contre-intuitif, c'est que cette expérience finit par montrer une transition en fait plus du tout aléatoire et discrète, mais au contraire une transition graduelle et continue de l'atome entre l'état fondamental et l'état sombre. Effectivement, ce que font les chercheurs, c'est donc ils observent ces clic clic clic clic clic clic lorsque l'atome est normalement dans son état fondamental en train d'osciller avec un état brillant, et ensuite si l'atome n'a pas émis pendant un certain temps. Alors là, on se demande, a-t-il sauté? A-t-il pas sauté? Du coup, ils décident de couper tous les faisceaux dans leur expérience et de mesurer l'état dans lequel se trouve l'atome. Ils mesurent l'état dans lequel se trouve l'atome. Et ils reproduisent cette expérience un très très grand nombre de fois en faisant varier ce temps d'attente qui s'est écoulé depuis le dernier clic. Et comme ça, ils mesurent l'état de l'atome et à chaque fois, plus on attend, en fait, plus ils mesurent un atome qui se trouve dans une superposition d'état entre l'état fondamental et l'état d'énergie excitée, qui est de plus en plus proche du niveau d'énergie excitée. En fait, plus on attend, plus il se passe de temps sans que le détecteur de photons ait cliqué, plus on se doute que l'atome a bien dû sauter dans ce niveau d'énergie. Et du coup, ils arrivent vraiment là à reproduire cette transition entre le niveau fondamental et le niveau d'énergie excitée. Bien sûr, c'est une tradition. Ils ont besoin de reproduire l'expérience un très grand nombre de fois, sur un très grand nombre de sauts quantiques, pour voir cette trajectoire. Mais cette trajectoire représente, selon les auteurs, la trajectoire que suit n'importe quel atome lorsqu'il effectue un saut quantique. Est-ce qui, en fait, du coup, à quelle conclusion lui permet d'aboutir cette fameuse étude et cette dernière expérimentation que vous venez nous expliquer, Sylvain? Justement, c'est là qu'on peut finalement, les chercheurs peuvent faire plusieurs interprétations. L'interprétation des auteurs de l'étude, c'est que effectivement, ce qu'ils voient, cette trajectoire, est effectivement la trajectoire d'un saut quantique, et donc un saut quantique est quelque chose de graduel. Certes, on ne peut pas prévoir l'instant de ce dernier clic, il reste l'aléatoire de la physique quantique est toujours là, mais la transition est graduelle, l'atome, l'électron suit une trajectoire graduelle prédictible à l'avance. Qu'on peut formaliser d'ailleurs sur un graphe qu'on va vous poster. Voilà, on peut formaliser sur un graphe et qu'on peut même du coup à l'avance connaître et donc essayer de contrer en appliquant d'autres impulsions à l'atome pour essayer de le faire retomber vers son état fondamental avant même de l'avoir mesuré. Mais en fait, ça pose une question aussi d'interprétation puisque d'autres chercheurs auxquels j'ai parlé sont tout à fait en accord avec les résultats bien sûr de cette expérience, mais se disent en fait ce qui est très joli dans cette expérience, c'est qu'en fait on acquiert de l'information sur le système en fait en ne voyant rien. Finalement, je vois que le détecteur ne clique pas, donc progressivement, je prends conscience que l'atome est en train de changer d'état et de transiter vers un niveau d'énergie supérieur. Et en fait, ça montre quelque chose qu'on connaissait déjà dans le formalisme de la mécanique quantique, mais finalement, ne pas observer un système, c'est quand même acquérir une information sur celui-ci. On acquiert de l'information, en quelque sorte, en négatif. Vous savez, pour prendre un exemple qui n'a rien de quantique, mais dans Sherlock Holmes, dans les chiens de Baskerville, je spoil un petit peu, mais Sherlock Holmes... Vous gâchez. Oui, je suis désolé, mais Sherlock Holmes arrive à une conclusion sur l'identité du meurtrier en observant le fait que le chien de la famille n'a pas aboyé la nuit du meurtre. Le chien n'a pas aboyé, donc j'en déduis une information... C'est-à-dire qu'il connaissait la personne. Cécile Lestienne. Maintenant, voilà, c'est votre cadeau. Je reste au quoi. C'est-à-dire qu'on peut acquérir de l'information quantique en n'acquérant pas d'information. Oui, je reste au quoi. C'est pas un beau cadeau, ça, Cécile. C'est formidable, c'est la question de Noël. Et vous pourrez maintenant en discuter au repas de Noël, évidemment. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. C'est une féerie de Noël ininterrompue, cette émission. Et ça ne va pas s'arrêter là, mesdames et messieurs, puisque pour conclure cette émission, Lai Nguyen Wang n'a pas choisi le cadeau facile. Vous pensiez que déjà, eh bien, cette information que vient de livrer en conclusion, un peu comme le dénouement du chien des Baskerville d'Arthur Conan Doyle, eh bien, la conclusion de cette émission, ça n'est pas une cravate à motifs ou une boîte à chocolat, mesdames et messieurs. Ce cadeau de Lai, c'est bien un papier prépublié sur le site Archive à propos du Deep Learning pour les mathématiques symboliques, pré-publication qui apporte des éléments importants dans un débat entre intelligence artificielle par apprentissage et intelligence artificielle symbolique. Expliquez-nous tout ça, Lai. Oui, historiquement, il y a un peu deux façons de penser l'intelligence artificielle. D'un côté, on peut penser que l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui est capable d'avoir des raisonnements logiques. Donc quelque chose qui qu'on appelle symbolique, qui donc manipule des symboles et fait ça selon des règles très précises. Et c'est un peu ce qu'on nous apprend à l'école quand on fait des maths. Et de l'autre côté, il y a l'apprentissage statistique. En gros, l'idée, c'est de voir plein d'exemples et de regarder, de voir s'il y a des régularités dans les exemples qu'on a. Et donc pendant longtemps, les gens étaient faisaient plus des mathématiques d'intelligence artificielle symbolique, donc de la première catégorie. Mais depuis 10 ans, puis notamment au cours des dernières années, il y a eu des progrès fantastiques du côté de l'apprentissage statistique. Et donc tout ce qu'on entend aujourd'hui sur l'intelligence artificielle, par exemple sur la reconnaissance de visage, sur la capacité d'écrire du texte, par exemple, de générer des images photoréalistes, tout ça, c'est de l'apprentissage statistique. Et il y avait encore ce débat sur est-ce que pour les maths, parce qu'on peut se dire les maths a priori c'est des règles, c'est très logique, est-ce que pour les maths cet apprentissage statistique sera utile, est-ce que vraiment ça permet de faire quelque chose? Et du coup là c'est un article qui est vraiment très très intéressant puisque il bat en fait toutes les méthodes par raisonnement logique avec une approche très statistique pour des problèmes pourtant de maths qui sont très symboliques. Donc c'est des problèmes de maths qu'on appelle donc les équations différentielles ou les calculs de primitives. Je pense que les détails importent peu. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, c'est des énoncés de maths et il y a une bonne réponse qui consiste à mettre les bons symboles, bons endroits, j'ai envie de dire. Pendant longtemps, on a pensé que ça, vraiment, c'était pas un truc pour l'apprentissage statistique. Mais là, cet article montre qu'en fait, si, maintenant, on a une intelligence artificielle par apprentissage statistique qui est plus performante que tout ce qu'on faisait avant pour résoudre ces problèmes pourtant très symboliques. Alors justement, quel est le cheminement intellectuel et logique qui amène à la conclusion que vous venez d'énoncer? Ouais, donc il y a ce qui est assez en fait c'est un cas assez particulier quand même ce cas des équations différentielles parce que c'est un cas où on peut générer beaucoup d'exemples. C'est facile de créer des exercices. C'est-à-dire par exemple. Donc l'idée c'est que on veut résoudre une équation. Et quand on est élève, souvent, on voit juste l'équation, on se dit comment est-ce que je vais faire pour résoudre cette équation. Mais en fait, de l'autre côté, il y a un professeur qui a généré cet exercice. Et en fait, c'est assez facile. Donc, il suffit de prendre une solution et puis de bidouiller un peu la solution pour obtenir une équation. Et après, on remplace la solution par une inconnue, par x ou par y. Et on demande à l'étudiant de trouver ce x ou trouver ce y. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, générer l'exercice, c'est en fait assez facile. C'est beaucoup plus facile que résoudre l'exercice. Et du coup, ce qu'ont proposé les auteurs de l'article, c'est de générer beaucoup de problèmes comme ça. Et en fait, ils ont généré 40 millions. Ça fait beaucoup d'exercices. Oui, d'accord. Hein. je peux vous offrir un cadeau pour Noël, si vous voulez. On peut vous mettre le lien pour si vous voulez avoir accès à ces 40 millions d'exercices sur le fil Twitter de la méthode scientifique. Et en fait, là où c'est assez étrange et assez inhabituel, c'est que en fait, on peut considérer ça comme des questions-réponses. Enfin, un peu la question, c'est l'exercice, et la réponse, c'est la réponse. Enfin, la réponse. C'est la réponse à l'exercice. C'est la réponse. Et lorsqu'on a ça, en fait, ça c'est un cadre aussi très étudié, mais dans le cadre de ce qu'on appelle le langage naturel, donc pour apprendre des algorithmes à parler le français, on leur donne beaucoup d'exemples de questions et puis ils doivent trouver la réponse. Et ils ont plein d'exercices types corrigés, peut-être pas 40 millions, mais voilà, beaucoup. Et ce qui est assez étonnant dans cet article, c'est qu'ils ont utilisé ces techniques qui sont d'habitude pour le texte, pour le langage parlé, mais ils l'ont appliqué pour le langage symbolique des mathématiques. Donc c'est comme si cette intelligence artificielle, d'une certaine manière, au lieu d'apprendre la logique des mathématiques, avait appris le langage des mathématiques. Et du coup, c'est intéressant parce que l'apprentissage, justement, le langage parlé, on en avait parlé ici, effectivement, de tous ces modèles statistiques qui permettent à ces intelligences artificielles de confronter, en fait, des réponses types aux problèmes qui leur est soumis. Aujourd'hui, quelle est l'importance, finalement, de ce pré-papier, de cette pré-publication pour nous donner un peu l'ampleur? Parce que, effectivement, c'est assez abstrait, mais quelle est l'importance, finalement, de cette publication dans ce débat que vous décriviez tout à l'heure entre l'intelligence artificielle par apprentissage et l'intelligence artificielle symbolique? Donc, je pense que ça ouvre pas mal de portes pour la recherche en intelligence artificielle. Mais peut-être l'autre point que je trouve très intéressant, c'est que peut-être que moi, en lisant cet article, j'ai l'impression que cet article, d'une certaine manière, bizarrement, démystifiait un peu l'intelligence du mathématicien. Parce qu'on a tendance à penser qu'un mathématicien, c'est quelqu'un qui est capable de raisonner de façon logique. Mais en fait, ce que suggère cet article, c'est qu'une grosse partie de faire des mathématiques, c'est juste résoudre plein d'exercices et puis commencer à voir des régularités, comme quand on apprend à parler, quoi. Et d'un moment, être tellement familier avec le langage des mathématiques que c'est plus facile ensuite de deviner une réponse. Et puis, peut-être après, il faut la vérifier, quoi. Ou ça va être un peu plus symbolique. Vous voulez dire de reconnaître des schémas, par exemple, d'identifier des schémas et ensuite de pouvoir les reproduire en fonction de... C'est ça. Et en lisant cet article, j'ai vraiment l'impression que ça dit en fait beaucoup sur le métier du mathématicien, finalement. Un mathématicien, c'est finalement quelqu'un qui fait beaucoup d'exercices et qui s'habitue à un langage et qui après est capable de parler son langage beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement que quelqu'un qui n'a pas fait tous ses exercices. Vous êtes en train de comparer un mathématicien finalement à un algorithme d'apprentissage de langage automatique dans l'ordinateur. C'est ça. Et les mathématiciens qui nous écoutent seront contents. Ouais. Alors clairement, il y a aussi d'autres aspects du mathématicien, mais je pense qu'il y a plus de ça. Quoi. Je suis désolé si ça. Non, au contraire, c'est intéressant. Ça démystifie pas du tout. C'est très intéressant. Mais je pense qu'il y a vraiment ça. On a tendance un peu à sacraliser l'apprentissage des mathématiques comme étant quelque chose. Il faut être super, avoir quelque chose en plus. Mais en fait, cet article suggère que finalement, c'est comme apprendre une langue. Et il faut la pratiquer, quoi. Si on ne pratique pas, on n'apprend pas ces régularités dans la langue. Sylvain Guilbault, réaction à ce... Ah oui, ça pose plein de questions sur effectivement, est-ce qu'on peut faire un parallèle entre la méthode d'un algorithme par apprentissage automatique et la méthode d'un mathématicien? Peut-être que tous les mathématiciens n'ont pas non plus les mêmes processus, méthodes, je ne sais pas, c'est une question. Aussi une question un peu de béotien sur les implications que ça a, parce que j'en étais resté à l'idée que une des grandes questions qu'on se posait toujours avec les algorithmes de deep learning notamment, c'était juste certes, ils avaient des résultats très impressionnants, mais il y avait des questions qui se posaient sur, ok, mais est-ce que ça nous apporte une compréhension des phénomènes eux-mêmes qu'ils arrivent à résoudre? Ou est-ce que, ok, ils nous fournissent une solution, mais qu'au fond, le phénomène en lui-même reste un peu une boîte noire? Alors, pour répondre à la première question, donc, il y a quelques jours, j'ai parlé avec un ami mathématicien qui il m'a présenté un peu sa recherche, quoi. Et c'est assez amusant parce que je venais d'avoir lu cet article, et en gros, pour présenter son truc, il écrit une équation au tableau. Mais un peu au feeling, un peu voilà, c'est l'équation que j'ai étudiée. Après il va la corriger un petit peu, il va dire non, en fait c'est pas ça, il faut que j'ajoute un terme. Du coup finalement, la manière dont il parle, c'est pas tellement le raisonnement logique qu'on pourrait imaginer, c'est plus à l'intuition. Et sinon, pour répondre à la deuxième question sur est-ce que le deep learning permet de mieux comprendre les phénomènes que deep learning étudie, c'est très compliqué. Le deep learning est une boîte noire, c'est difficile de savoir ce qui se passe à l'intérieur. Mais il y a toujours moyen de, il y a quand même moyen d'essayer d'extraire certains trucs. Donc on peut observer, par exemple, que il y a des intelligences artificielles, lorsqu'on les entraîne à parler certains trucs, on se rend compte qu'elles sont ensuite capables de faire des opérations sémantiques. C'est-à-dire qu'on lui donne une image de personne sans lunettes, par exemple, et il y a moyen de lui dire rajoute des lunettes avec une certaine opération qui est en plus une opération mathématique, une addition vectorielle pour ceux qui connaissent. Donc c'est pas complètement des boîtes noires non plus. Bien écoutez, merci. On va vous laisser poursuivre cette conversation tous les deux, puisque nous arrivons au terme de cette émission. Un petit mot peut-être sur une actualité ou quelque chose, comme d'habitude, un tour de table pour conclure cette émission, quelque chose que nous n'aurions pas abordé ou qui arrive dans les jours ou les semaines prochaines sur lesquelles vous voudriez attirer notre attention, Cécile. Pas tout à fait. si. Je vais vous poser la question, après les questions de Noël, on va passer aux questions du Nouvel An. Mm-hmm. Dans le prochain numéro de Pour la Science qui sort justement le jour de Noël, avec un gros dossier sur les cristaux temporels, il y a aussi un grand article sur les ptérosaures, vous savez, ces reptiles qui régnaient dans les cieux au temps des dinosaures. Mm-hmm. Et on pense que ces reptiles pouvaient beaucoup mieux que la frégate du Pacifique encore, voler pendant des mois, voire des années sans s'arrêter. Donc la question du Nouvel An est, dormaient-ils sur leurs deux oreilles ou d'un seul œil? Sylvain Guilbeau, un mot à la une de la recherche. Eh bien justement, les 10 découvertes de l'année 2019. À la une de Pour la Science, Cécile. Eh bien jusqu'à Noël, c'est l'homme de Denisova, où Jean-Jacques Leblanc nous fait tout un point sur notre cousin d'Asie qui sort de l'ombre. Et là, une vidéo de Science for All. La dernière dont je parle, c'est sur les QCM bayésiens. C'est l'idée d'avoir des QCM où au lieu de choisir une réponse, on répond des probabilités sur les différentes réponses proposées. On vous met tous ces liens sur le fil Twitter de l'émission. Et puis parce que moi aussi, je vais faire un peu ma promo. Les idées claires, comme je n'ai pas pu vous en parler mercredi. Cette semaine, vous pouvez retrouver ça sur les sites, sur les réseaux sociaux de France Culture et France Info. Les idées claires cette semaine, les ondes de téléphone portable sont-elles dangereuses pour notre cerveau et notre corps? Vous pouvez retrouver ça donc en podcast et sur Facebook et Twitter comme toutes les semaines. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, à Étienne-Antoine Beauchamp, Nomina Guette-Saint-Vulfranc, Céline Lozen, Natacha Triou, Alexandra Delbo, Olivier Bétard à la réalisation, Jérémy Kaufmann à la technique. La semaine prochaine, eh bien, c'est le camarade Antoine Beauchamp qui prend le commandement du navire avec un programme copieux comme un repas de fête. Lundi, nous parlerons du syndrome de Down, mardi, des filaments cosmique, mercredi, Francis Allais jouera le rôle du Père Noël pour ce genre de Noël, jeudi l'apparition des rites funéraires dans l'espèce humaine et un vendredi spécial rétrospectif de l'actualité scientifique de l'année 2019. On attend d'ailleurs vos suggestions sur le fil Twitter de l'émission. Demain à 16h, ce sera le camarade Étienne Klein pour la conversation scientifique. Je vous souhaite une excellente fête de fin d'année, et on se retrouve bien lundi à 16h jusqu'à preuve du contraire.